Mais pour continuer sur l'histoire de la crédibilité, qu'est-ce qui fait que... Fait que tu donnes un rendement. Oui, d'accord, mais que quelqu'un, tu parles avec quelqu'un, quelqu'un va te donner la crédibilité, Sur puis le rendement. sur le rendement. Mais comment Oui, il va sur le l'acte. savoir par après? Oui, mais c'est toujours sur l'acte que tu es crédible. C'est pour ce que tu dis, c'est C'est qu'est-ce pas, que ce que tu tu fais? dis, ça n'a aucune valeur. Pas d'acte, pas de Mais quand, par crédibilité. exemple, quelqu'un te demande je sais pas, la direction pour aller à tel endroit, puis que l'autre personne te donne pas la crédibilité, demande à gauche ou à droite, Ah ben, t'es qu'est-ce que coupé de la c'est? bonté, ta crédibilité. C'est l'acte, Ben la oui, mais ce crédibilité. que c'est que tu rencontres quelqu'un sur une route. Ben, il n'a pas une Je veux dire crédibilité. que quelqu'un, tu dis, bon, où se trouve tel endroit, personne te dit, ben, tu tournes à gauche, puis tu y vas, puis il y en a d'autres qui disent, tu sais, qui disent, Ben, ça se sent dans la vibration. ben, c'est ça que je voulais Non, mais la demander, ouais. vibration, c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Non. C'est une personne sur 1 million. Hein. Si t'es pas vibratoire, oublie ça. T'es pas capable de donner de crédit à personne. Moi, je donne pas de crédit à personne. À moins que je le sente vibratoirement. Si les forces me disent, OK, il est correct, lui, pas de trouble. Mais je donne pas de crédit à personne. Il y a personne qui a du crédit à mes yeux. Personne, personne. Mais je vais écouter la personne, puis dans la vibration, ben, OK, je vois. C'est ce que je voulais, ouais. Ben, Savoir. c'est parce que parler de cas unique, c'est pas général. Non, non, je parle pas de communique. Non, moi, je parle de cas Ah, unique. Pour moi, c'est un cas unique quand je donne une crédit à quelqu'un. OK. Mais des propos comme comme tu pourrais tenir à la radio, est-ce que ça serait applicable dans une société du Québec comme aujourd'hui? Ben, je parle à 3 millions de personnes. Non, mais je veux dire d'une façon officielle. Ben, mettons que tu aurais une émission, tu serais, mettons, l'invité principal d'une émission avec un J'aurais le animateur même quelconque. discours. J'aurais le Oui, même OK. discours. Dans les Mais je serais tout le temps jugé sur le rendement. ouais, c'est ça. C'est quoi, mettons, l'obstacle que tu aurais face, mettons, à la critique? Moi, mettons que je rentrerais dans le monde ou dans une communication au niveau psychique, mettons, avec Paul Arcand. Paul Arcand, il essaierait de t'amener, De me mettre en boîte. de te faire en boîte, c'est Ça ça? va, mais c'est sa job. C'est ça? Mais est-ce que ça pourrait, mettons, si tu pourrais, mettons, démontrer certains aspects réellement intelligents et significatifs en termes de bien-être de vie, là, ça passerait. Mais si tu n'es pas capable de le faire. C'est toujours, oui, mais Oui. donc, c'est ses actes. Tu n'es pas mesuré sur ta parole, tu es mesuré sur les actes. J'espère que tu comprends ce que Oui, ça veut mais dire. comment que tu peux, mettons, Ben, si amener je te colle des la shot, propos? les sénateurs vont perdre. C'est quand les sénateurs ont passé que Ron il Oui, me dit, non, mais ah, ça, là. tu parles d'aspect pratique, mais si tu parles, mettons, d'aspect psychique, Ah, ça passe non, pas. c'est ça, c'est sûr que Non, ça ne passera pas. ça passe. En tout cas, ça passerait, Non, mais ça serait distorsionné, puis ça serait critiqué, ben, mettons. les gens m'ont toujours. Quand je parle, exemple, ce qui est le plus proche de mon travail, c'est quand je parle à Phoebe ou à Sylvain Ménard ou un autre, Jeffrey Branning, cette affaire-là. Fougas, c'est un terrain qui est de gros bon sens. Ah, C'est des gars qui. C'est des gars, eux autres. Phoebe puis Sylvain Ménard, c'est des gars qui parlent à des camionneurs 80% du temps, puis du monde, là, de la masse. C'est vraiment. La nuit, là, c'est la masse. C'est pas du monde qui ont été à l'université. C'est du monde qui ont du gros bon sens. Mais c'est pas des gens éduqués, là, dans le sens instruits. Là, okay? Mais ils sont super fins, c'est des gens simples, puis c'est des gens qui ont du common sense. Là. Fait que Phoebe, il parle à ces gens-là. Fait que si je parle le gros bon sens, hein, l'autorité, les sujets généraux, puis tu sais, comme l'autre fois, j'ai pris Sylvain Ménard, puis j'ai parlé de la différence entre être informé, puis d'avoir une opinion. Fait qu'entre l'information puis l'opinion. Ouais, il a bien aimé ça. Il dit demain, il dit on va parler de l'autorité. Je l'ai rappelé le lendemain, puis. Il était dans toute l'histoire de la traite, puis il n'y avait pas la tête à parler de ça. Je n'étais pas capable vraiment d'aller loin là-dedans. Parce qu'il était pas. Il était écœuré de parler de la traite puis des problèmes qu'il y avait Ouais, c'est ça, il n'y avait pas la patience. Il n'y avait pas la patience, il n'y avait pas la tête à ça. Mais la journée d'avant, j'ai parlé de l'information, puis ça, puis là, il trouvait ça, il était subtil, puis il était capable de suivre. Puis il suit mieux que Fabi. Fabi, il est vraiment low profile, lui. Puis, chose Sylvain, ben lui, c'était un musicien, c'est un artiste, ben, il était capable d'aller dans les subtilités. Il dit, ouais, c'est intéressant. C'est vrai que quand on donne une opinion, on cherche à avoir une certaine forme de pouvoir sur l'autre, puis on a des crises d'orgueil, puis tout ça fait le même. Tandis que de l'information, c'est plus neutre. Tu sais, j'ai amené des éléments, puis tu sais, j'étais assez wise pour faire parler le gars, parce que je sais que le gars, il aime ça parler. Puis je dis, en plus, il dit, t'es mon homonyme. Je dis, ouais, je t'aime énorme. Donc, tu sais, c'est encore mieux. Il n'y en a pas gros, là. Tu sais. Non, ils sont tous rendus premier ministre. On se beurre les pères. Mm-hmm. Les gars, là, ils ne veulent pas perdre la face là-dessus. Hein. Ouais. Donc, ils s'arrangent. Puis c'est eux autres qui ont le piton pour au prochain appel. Ouais. Donc, je suis trop confiant de ça. Puis, tu sais, ils sont minutés. Il y a des annonces à toutes les 6 minutes, 7 minutes. Ils ont des nouvelles à telle heure. Puis le kit. Fait que quand tu sens qu'ils commencent à parler plus vite, tu sais qu'il y a une annonce qui s'en vient. En tout cas, je ne vais pas te retenir, Sylvain, je vais te rappeler, puis... c'est fun. Puis tu n'as pas le droit d'appeler plus qu'une fois dans la soirée. Ouais. Donc, tu ne peux pas appeler deux fois. Là. Moi, j'essaye, ça va marcher. Ça va pas marcher. Moi, j'ai des friches. Ben, tu sais, 2 minutes, parler à 3 millions de personnes, c'est pas banal. Ouais. Non. OK. Elle du gars. Mais aller dans le psychique, puis là, ça va pas, c'est ça. Déjà, l'astrologie, on est amusé à du monde. C'est pas tant la qualité d'écoute qui est importante, mais c'est le fait que l'écoute, c'est comme le gouvernement qui te finance 1 million. OK. C'est comme tu es financé par les gens qui t'écoutent. Mais si c'est un sujet... La première fois que j'ai parlé d'astrologie à Ron... Ron était plus ou moins réceptif, puis le public non plus n'était pas vraiment réceptif. Puis j'ai senti une vague, là, tu sais, genre une envie de vomir, là. Non, j'ai dit, wow, je suis à compte courant, là. Puis là, ben, quand Ron, il m'a endossé, et puis qui a dit, il est le seul qui a dit que le Canadien gagnerait les 3 games contre les Sénateurs. Il n'y a personne qui a vu comme lui. Il dit, c'est Daniel Lestrella. J'en ai rêvé toute la nuit. Mettons, quand tu appelles, est-ce que tu donnes ton sujet que tu veux parler? Oui, je veux savoir. Les fins de semaine, ils veulent vérifier aussi. La nuit, ils veulent voir si tu es pacté. Ils veulent pas avoir. Moi, la dernière fois que j'ai parlé, j'ai demandé c'est quoi les critères de filtrage que vous avez. Il était content de parler de ça. Il dit, on n'accepte pas les gens qui ont pris la boisson, les gens qui cherchent à s'ostiner puis à nous caler ou à nous mettre en boîte. Ah, les négatifs. Oui, c'est ça. Les gens qui veulent faire les SMAP. Dans tout le temps, dans tous les « je pense que », c'est « ouais, je suis pas sûr, mais je pense que moi, j'ai joué ça de même. » Mais tu sais, c'est jamais absolu. Tandis que moi, quand je parle, je dis « non, c'est que le Canadien gagne contre les Panthers. » C'est pas, il n'y a pas de peut-être. C'est affirmé solide. Fait que, tu sais, c'est comme ouf, t'essayes et tout, fait que ça, il manque d'air, l'autre. C'est affirmatif. Hey boy. La certitude. Ouais, quand je parlais à Sylvain Ménard, je parlais de l'opinion et de l'information, je parlais clair. Et là, tu sais, c'est abababababa, puis là, t'as absolument raison, Sylvain, tu sais. OK, au moins, je ne suis pas de ça. C'est ça. Concernant l'opinion et l'information. Ouais. Peux-tu nous parler du sujet, là, de résumer tes propos, ça m'intéresse. Là. Ben, une personne qui informe quelqu'un a rarement des conflits parce qu'il ne décide pas pour l'autre. Mm. Tandis qu'une opinion, quand tu l'émets, tu cherches à avoir une influence sur l'autre. Informer quelqu'un, tu sais, tu vas dire les Canadiens ont gagné hier soir, c'est une information. Mais dire les Canadiens vont gagner demain, ça c'est une opinion. Quand tu entres dans des sujets sensibles, politique, religion. Là. Ouais, dès qu'il y a une opinion, il y a besoin de diriger le mental de l'autre. Mais même en dehors de l'opinion, je veux dire, quand tu entres dans les thèmes. Écoute-moi. Oui. Informer quelqu'un, c'est faire un constat de fait. Il n'y a pas d'autorité. Dedans. Il y a simplement un constat de fait. Oui. Une opinion, tu mets ton âme dedans. Tu mets ton sentiment dedans. OK? Oui. Mais une personne peut être dans l'information, puis l'autre, automatiquement, entre dans l'opinion. Oui, mais là, tu vois un conflit par l'opinion. Ouais. Mais tu n'auras jamais de conflit par l'information. Fait que si tu es capable de formuler. Moi, quand je parle à Phoebe, les soirs, je quitte. C'est comme si je ne parle pas à lui, je parle à une foule. Il est tout dans la tête que je parle à une foule. Ouais. Puis je me concentre sur le fait d'informer. Puis quand j'ai une opinion que je veux formuler, je la fais dire par l'autre. Pourquoi Daniel qui fait que des gens qui veulent simplement toujours être dans l'opinion? Dans l'opinion, c'est des gens qui veulent mener ta vie. Personne qui est toujours en train de te donner une opinion, c'est parce qu'il veut gérer ta vie. Mais initialement, c'est parce qu'ils veulent se conforter dans le mission. Écoute, moi, là, dans la vie, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et puis, les gens sont très insécures. Ils doutent beaucoup. Et puis, quand ils veulent te donner leur opinion, c'est parce qu'ils veulent, le monde veut que tu le fasses à leur place pour pouvoir dire après, « Ouais, je le savais » ou « J'ai peut-être quelque chose à corriger. » Tu sais? Mais ils veulent te faire vivre ce qu'ils voudraient vivre. Oui, c'est ça. Mais ils sont pas capables de le vivre sur le spontané. Il y a des gens qui sont capables de faire au bout de leur parole, j'en connais pas gros. Mais des gens qui sont capables d'aller dans l'action de leur parole, j'en connais pas gros. Fait que les gens vont te donner leur opinion sur leur système de valeurs, mais ils veulent surtout que toi t'explores à leur place pour voir s'ils ont raison. Parce que le monde, ce qu'ils veulent quand tu parles, c'est avoir raison. Mais souvent, ils n'ont pas vécu ce qu'ils ont parlé. Souvent. Moi, l'avantage que vous avez avec moi, c'est que souvent, j'ai vécu ce que j'ai parlé. C'est assez rare que j'ai pas vécu mon Jésus. Je parle pas souvent d'extraterrestres, hein? C'est parce que j'en ai pas rencontré. Tu as l'air d'une vie qui se prête pour ça. Quand on a une maladie, je veux pas aller dans le personnel, hein? Mais si tu as une maladie que tu sais que tu vas mourir dans deux ans, comment tu peux garder ton état d'esprit pour rester neutre, pas peur de mourir? Ouais. Qui dit que tu peux continuer à fonctionner? Qu'est-ce qui dit que tu ne mourras pas avant moi? Ça peut, tu vois. Hein? Y a-t-il quelque chose qui dit que tu vas mourir après moi? Non, y a-t-il? Moi, je ne sais toujours pas quelle date je peux mourir. Moi, j'ai toujours. Je prends mes petites pilules, mais peut-être faire 10 ans. Ben, puis toi, tu vas peut-être avoir un accident avec ton Mercedes. C'est sûr. Non, mais c'est ça. C'est que tu connais du futur. Je connais rien. Bon, à ce moment-là, tu peux pas dire... Donc, tu peux pas t'inquiéter. Ben, inquiète toute ta santé mentale là. Ouais. Parce qu'on pourrait penser que tu devrais mourir. Tu devrais rester dans le présent. Si t'es une plaie ton environnement, là, il y a du monde qui vont dire que ça peut crever ce corps-là. À ce point-là... Si on regarde les... La relation que tu as avec ton environnement, c'est une relation amour-haine. Je ne suis pas aimé de tout le monde, mais là, il y a peut-être du monde qui veut ma peau. Là. Okay. Mais je suis capable de vivre pareil. Ouais. Bon, c'est pas parce que tu vas mourir sûr un jour que tu as matière à t'inquiéter du fait que tu es en vie. Là. Non. Moi, il n'y a personne ici que je peux dire qui va mourir après moi. Il y en a plein, vous autres, qui peuvent mourir avant moi. Non, c'est sûr. Si vous avez un testament à faire, faites-le à mon nom. Ça va me donner une raison de vivre. Par mes petites pilules. Non, oui, pourquoi pas? Non, mais tu sais, ta question est toujours basée sur notre petit avenir que tu sais rien, Chris. Ah, c'est vrai. Ben oui, c'est ça, c'est inquiéter du futur. Es-tu sûr de travailler tout dans une semaine? Mais ça revient à la même chose que à tous les jours, de ne pas s'inquiéter de ce qui va arriver, de comment je vais faire payer mes comptes, comment je vais faire payer mon loyer, ça revient à la même chose. Est-ce que la façon de mourir, est-ce que c'est inscrit dans la carte astrologique? Eh boy, tu m'embauches tout de suite. Il fallait que tu viennes asseoir. Hein? Finir ma semaine. Est-ce que c'est écrit? Honnêtement, je vais être bien honnête avec toi. Je ne pourrais pas te dire d'être là, parce que je n'ai jamais fait vraiment de recherche là-dessus. Tu sais, si je meurs des reins, c'est sûr que c'est ma quadrature Uranus-Saturne, parce que j'ai Uranus en cancer et Saturne en balance. Et là, à ce moment-là, si j'allais crever de cette quadrature-là, ça devrait se faire en janvier-février de 2018. Mm-hmm. Fait que si je meurs là, ben vous pourrez savoir que, bon, j'avais deux planètes majeures dans des signes angulaires, là, dans des Uranus en maison 7, puis Neptune en maison 10, puis Saturne en maison 10. Saturne, non, excuse, en maison 9, puis que c'est ça qui m'a tué. Mm. Okay. Puis c'est, en balance, c'est la déception. Parce que la balance, elle forme, s'informe beaucoup, mais n'a pas la collade de la réalité tout le temps. Donc, la réalité n'est pas toujours à la mesure de ce qu'elle s'informe. Okay? Mm-hmm. Fait que là, à ce moment-là, tu as beaucoup de déception. Pour une personne qui est affectée par des planètes en balance, il y a beaucoup de déception. Fait que si c'est ça, ben ça, la déception vraiment va être tuée. Mm-hmm. On va bouffer rien, comme on dit. Mm-hmm. Alors, c'est à vous autres de checker vos cartes. Mais c'est parce que le problème, c'est que la plupart des gens qui étudient le cap ciel ne connaissent rien à l'astrologie. Okay? Ça ne peut pas vous donner grand-chose. Puis après ça, ben, il y a l'affaire de l'héritage familial. Fait que, tu sais, on va dire, ben, mes parents, ils sont morts Alzheimer. Un autre va dire, ben, moi, ils sont morts du cœur. Un autre va être, tu sais, ta. Fait qu'il y a votre ADN qui peut être une sorte de mort, mm-hmm. comme tel. Mais, tu sais, la vérité, là, ça va être. Ça t'indique les grandes lignes. Ça indique les grandes lignes potentielles de, mettons, de descente, mais ça ne t'indique pas exactement quand puis de quelle façon. Oui, quand, oui. OK. Mais, tu sais, j'ai souvent dit, vous avez souvent dans votre carte du ciel, vous avez moi j'appelle ça des portes, une porte de mort. Mais tu sais, quand en 87, j'ai eu une faillite puis un divorce dans la même année, j'étais capable de dire, oh, Saturne est en Sagittaire, ça touche mon ascendant, c'est encore avec mes planètes en poisson, c'était vraiment une année écœurante, tu sais, c'est 87, pour moi, ça a été une année de mort. J'ai eu des problèmes parce qu'en faisant faillite en 87, Bernard m'a cassé dans le fond de la salle, puis j'ai dit, Chris, c'est comme ça que tu me supportes, là, tout ce qui me reste, sacrément, c'est vous autres, parce que là, tu me cassais dans le fond de la salle. Puis tu m'invites plus au souper après la conférence, ça marche pas l'affaire. Puis là, 3 ou 2 mois après, là, quand il a vu que Xenard était en train de faire faillite aussi, là, il s'est reviré de bord d'une salle, il a commencé à s'excuser, puis j'ai vu ma personne. Là, il a fait quasiment la moitié de la conférence sur mon cours, puis il m'a ramené en avant. C'était pas compliqué, il a besoin qu'on lui pose des questions. J'étais le seul dans la salle qui posait des questions, qui avait de l'allure, qui s'appelait pas je me moi. Okay, il a travaillé pour ses intérêts. Quand j'ai vu ça, ça m'a dégraissé pas mal de la conscience supramentale. J'ai bien vu qu'il était un homme, lui, comme tout le monde. Là, mm. Ce qui est le plus important, c'est pas savoir comment tu vas mourir, sacrément, c'est de vivre. Mm-hmm. Comment tu vas vivre, ça, c'est important. Mm. Qu'est-ce que tu fais, calice, de ta vie? Tu te pognes le moins de se regarder les séries télévisées? C'est quoi l'histoire? Tu fais aux cartes, là, d'un computer, là, des jeux de patience, c'est ça. C'est ça, vivre. C'est ça, ta vie, si crape-la comme fou, là. T'sais, au moins, t'as du fun en scrapant. Mais non, c'est une crise, c'est bon, ils ont de la misère à parler, ils ont de la misère à passer, ils ont de la misère à faire ça. Puis après ça, ils veulent vivre. Donne-toi un défi. Va te chercher un enfant qui est abandonné, là, puis occupe-toi-en. Chris, tu vois ça, tu vas en vivre du stock. Engage-toi, Chris, dans la vie. Dans n'importe quoi, engage-toi. Okay. Tu vas commencer à vivre là. Tu t'engages dans la vie, c'est là que tu vis. Moi, quand je me suis. J'ai fait de la course de moto, puis j'ai fini président de l'association. Fallait-tu que je sois engagé, tu vois? Oui. Tu sais, ça m'a permis de vivre une expérience avec la BAT, puis avec les. Tu avais dit il n'y a pas longtemps que. Les forces t'avaient dit que le jeu des forces était la survie. Non, je dis les forces, le jeu qu'ils ont donné à l'humain, oui. Qui est le plus motivant, c'est la survie. La survie, oui. Ben, quand tu es engagé puis que c'est un cas de survie, là, n'importe quoi dans lequel tu t'engages, là, c'est tu veux gagner. Hein? Oui, ben, vouloir gagner sur un événement de vie quelconque, tu sais, tu es avec un enfant, mettons, là. Puis ton enfant, là, si tu crèves, s'il va crever, c'est toi la protection de l'enfant. Tout ce qui vit, c'est de la survie. Parce que t'as peur de mourir. C'est ça. Quand t'as peur de mourir, t'es en situation de survie. Ça. Moi, mon problème, c'est que j'ai pas peur de mourir. Quand t'embarques un bicycle à gaz, tu montes à 250, 300, tu payes 6 livres, ça se fait, puis ça prend 1 km avant d'arrêter quand tu vois quelque chose. Les gens, ils vivent pas. Ils ont peur. viennent au monde, ils ont peur, puis ils meurent en peur, peur, peur, peur. Ils ont juste peur. Où la peur? Comment être cohérent dans des obstacles? Cohérent, c'est plutôt de garder cette cohérence. Parce que vivre, ça demande d'être cohérent. Garder ta cohérence. Tu manques une journée. La cohérence, bon, il y a des choses essentielles. Dormir, pour moi, c'est essentiel. Être mobile, c'est, pour moi, c'est essentiel. Mais tu sais, si on s'attaque à ta... À ta mobilité, à ta bouffe, à ton logement. Donc j'ai besoin de rire. Moi, mes chats me font rire. Donc, j'ai pas mal tout ce que j'ai besoin dans l'intimité. Mais il a fallu que j'élimine beaucoup d'illusions aussi. Parce que dans l'intimité, il y a beaucoup d'illusions. T'sais. Penser que l'autre t'aime, ça, c'est une crise d'illusion. Le monde t'aime pas, il t'utilise. Donc, s'il t'utilise, ben, faut que ça fasse ton, faut que t'aies du fun à être utilisé. Moi, j'ai du fun à être utilisé. Fait que c'est le fun d'être utilisé. Puis penser qu'on m'aime, ça, j'ai pas cette illusion-là. Mais j'ai conscience d'être utilisé. Je sais pas si tu comprends. Mm. Fait que ça, c'était bien, c'était confortable là-dedans. Ben là, après ça, l'affection, elle est un peu, là. C'est animal. Si un animal te le fournit, elle a un perroquet, puis là, c'est rendu que son perroquet, il apprend tout seul. Mm-hmm. Que, moi, j'ai dit, hein, parce que quand je l'ai rencontré pour l'histoire de l'hôpital, elle n'avait pas de perroquet. Le perroquet, non, il venait après. J'ai dit, un sourire par jour, il va payer son loyer. Il faut qu'il te fasse rire, en d'autres termes. Fait que s'il te fait, il va te chercher un sourire par jour, il a payé son loyer. Concentrez votre vie à faire quelque chose, et non pas à apprendre quelque chose. Apprendre. Si vous êtes sur le développement de conscience. Le développement de conscience sans avoir comme target le contact, il ne faut pas être où ce qu'il y a de fun là-dedans. Là. Ça, pour avoir des opinions sur la société, autant avoir des opinions sur la société, au moins tu es dans la société. Mais contact, c'est les grands principes de vie, mais il faut que tu accompagnes ça de vivre quelque chose qui va avec les principes. Sans ça, c'est quoi? Tu vas parler de conscience? Bernard, pas de contact. Écouter des cassettes, prévoir quoi? Hein? Écouter des cassettes de Ménard, écouter des cassettes de Bernard. Il y en a un qui est plus. Il y avait plus, des plus grosses foules, il y avait plus de monde dans les salles. C'est quoi la différence? Tu sais, tu ne veux rien avec un, tu ne veux rien avec l'autre, tu ne veux rien. Parle-moi pas de supramental. C'est parce que j'ai un petit peu d'écouter, mais tu fais rien, tu sais, avec, là. Ça vient à de la religion comme. Oui. Ouais. Moi, j'appelle ça de la philosophie, parce que c'est pas au statut de religion. Non, mais... Ça ne demande pas à croire, la conscience supramentale. C'est une affaire que si tu n'explores pas, tu ne sauras jamais qu'est-ce que c'est le contact. C'est pas savoir ce que c'est le contact. C'est pas prendre le risque de parler, hein, tu sais, en gros, là, c'est ça. D'avoir ça, enligner des mots, quand avoir de l'air intelligent. Mais avoir de l'air intelligent, ça ne fait pas de toi un être intelligent. Moi, j'aimerais, avant de partir, vous rendre assez crédible entre vous autres pour que vous soyez capable d'être jamais tout seul, tout le temps accompagné, potentiellement, pas obligé de vous accompagner, mais tu dis, à un moment donné, tu sais plus, comme moi, des fois, je l'appelle, je vais dire, hey, mon chat va-tu revenir, puis mon chat revient, tu sais. J'aimerais ça que vous en arriviez à pouvoir vous éclairer entre vous autres. Mm-hmm. En ayant une crédibilité à ce que l'autre dit, tu sais, puis être capable de lire dans ce que l'autre dit, que ce qu'il dit, c'est pas du commandement qu'il vous fait, mais c'est vraiment une lecture psychique et mentale. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Puis qu'éventuellement, vous m'avez rendu service souvent, mais que vous soyez capable de vous rendre service comme vous m'avez rendu service. Ouais. Mais vous ne pouvez pas être crédible si vous ne vous manifestez pas. OK. La game est là. Il faut faire quelque chose. Vous n'êtes rien si vous ne faites rien. Vous n'êtes pas. Tu ne seras jamais quelque chose à parler. Jamais. Vous n'êtes pas ce que vous parlez. Vous êtes ce que vous faites. Alors, retiens-la, celle-là. Même Claude n'a pas de crédibilité dans le groupe. Parce qu'on ne l'a pas vu faire. On a juste entendu dire qu'il avait été à Haïti. Il y avait des petits jeunes là-dedans. Ça, ils ont dit, plus quoi, ça? Pour vraiment être utile pour construire une crédibilité envers quelqu'un. C'est la loi, la première loi, puis c'est la seule loi. Non, mais il n'y en a pas d'autres. Il y a des gens qui ont des vibrations pour certaines choses, ouais. D'autres qui n'en font. Tu peux pas être tout pour quelqu'un. Moi, je peux pas être tout pour quelqu'un. C'est ça. OK, c'est ça. Oui, oui. Comment vous êtes sûr d'eux autres, si vous prenez jamais de, on va dire, de risques, mais en réalité, c'est pas des risques. C'est, ça vous parle, puis vous le faites. Vous ne pourrez jamais arriver à avoir le contact si vous êtes tout le temps dans un rapport de raisonnable. C'est pas en étant raisonnable. Tu sais, ton char, là, tu sais, bon, tu dis là, faut que tu changes de char, c'est un signe comme quoi il faut que tu changes de char. Ouais. Non, tout de suite, c'est ta peur, c'est ton insécurité, puis ton attachement qui est de la peur, en final, face à ton ancien, qui fait que tu vas dépenser un montant équivalent à ta location de l'année d'une nouvelle auto. Mm. Que tu vas te dépenser, oui. Mm. Tu n'es pas capable de voir ça parce que ta peur prend trop de place. C'est tout de suite l'âme, le scorpion, puis le drame. Puis le pire, c'est que tu considères que c'est normal. Que d'être comme ça, c'est ça ta vie. Puis moi, tu arrives dans mes groupes, puis je te dis, tu prends des risques, puis là, c'est comme aller voir un film de peur, ça, là. Tu sais, tu réveilles tout ce que je vais dire en drame. Okay. C'est comme le monde qui dit, ah ben Bernard, je vais juste envoyer une prière, puis il va me réaliser ça. Là. C'est pas ça la vie, là. C'est pas un autre. La vie, c'est ta source, c'est ton contact. C'est pas Ménard, c'est pas Bernard. Vivez votre vie sur votre batterie à vous autres. Ne inquiétez-vous pas si vous avez réincarné. Je vous promets, avec mes enfants. Les grosses familles en général, c'est des islamistes. Il va se réincarner en imam, peut-être, je ne sais pas. On n'aime pas tellement ça. Il y a une crédibilité en nous autres. Ça peut s'appliquer. Oui. N'importe quoi qui fait que vous êtes capable d'accoter ça par un acte. Est-ce que tu dois avoir absolument un projet commun pour établir une crédibilité? Je suppose. Tu fais un flat sur le bord du chemin, tu téléphones à Céline. Ouais, c'est un projet à point. Elle va t'aider. Donc, ça peut être un événement qui est comme ça, occasionnel. Il faut juste que tu comprennes que juste parler, ça s'est passé. C'est. Parler dans ton cas. Si il y a juste moi qui te comprends, tu n'auras pas ce que tu avais avec Bernard, que lui, il donnait du crédit à celui à qui il parlait, et la personne vivait avec l'impression qu'elle l'avait pour tout le groupe. Mm-hmm. C'est fini, ça, à cette époque-là, il n'y a plus de groupe, là, c'est ça qui reste du groupe. Donc, à qui dans le groupe que tu vas avoir du crédit quand tu parles? Et si on considère que la parole, c'est le premier vecteur du crédit, shit. On a tout entendu que ce qui pouvait être le plus flagué possible, y compris les extraterrestres. Fait que, tu sais, c'est pas. Tu sais, je dis pas un gars qui tombe dans quelque chose de nouveau, là. Puis encore, tu vas regarder Christian Page qui parle avec du Trissac. Il va parler de quelque chose qui est occulte. Mais il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il parle. Là. C'est tout des vieilleries, son histoire, là. Fait que, tu sais, il est crédible parce qu'on lui a donné quelque chose pour être marginal. Mais il n'y a pas de crédibilité, ce gars-là. Le gros bon sens, c'est pas assez. Mm-hmm. Quand tu écoutes Fabi, il y a plein de monde qui parle, ils ont du gros bon sens. Là. C'est, moi, je trouve le monde simple québécois très intelligent, personnellement. Mm-hmm. Puis j'ai un langage que je parle avec le monde, là, quand je vois aux choses, que si tu te prends pas au sérieux, tu es bien jugé au Québec sur le pétu de brou. Là. Si tu es pétu de brou, là, au Québec, tu passes pas. Mm-hmm. Le monde n'aime pas les pétu de brou. Il veut avoir des gens qui parlent naturellement, puis qui informent plus qu'avec des opinions. Les gens ne veulent pas se faire donner d'opinion. Ils veulent avoir de l'information. Et les Québécois, la preuve, c'est des codes d'écoute de 98,5. C'est des stations d'information avec occasionnellement des opinions. Mais les gens sont plus intéressés à l'information qu'à l'opinion. Ben, l'intelligence. Quand tu es intelligent, tu veux pas te faire diriger. Moi, je regarde la néphrologue, ma nécrophage. Elle m'a eu, elle, par le fait qu'elle n'a pas essayé de m'imposer une ligne de conduite. Et puis là, si on joue avec la vie, là. Oups, elle a. J'ai dit, elle ne veut pas bosser, mais qu'est-ce qu'on fait? On embarque. Fait que j'ai pas l'impression de rentrer dans l'univers de la pilule avec on va te fouetter si tu le fais pas, sentiment de culpabilité, peut-être. Le Québécois veut se faire suggérer quelque chose. Il veut pas se faire imposer quelque chose. Suggère, mais pas évident. Et c'est pour ça que les musulmans passent pas, parce qu'ils cherchent c'est pas de la suggestion, c'est de la. C'est du cheval de Troie. C'est un virus qui rentre dans ton computer. Puis on le sait, ça. On le voit faire. Donc, la règle absolue, c'est ta femme, respecte-la. Point à la ligne. Le Québécois, il est sensible à cette dimension-là. Il te mesure toute ta religion sur le rapport que tu as avec la femme. Pas compliqué. Si tu passes pas ce test-là du rapport respectueux avec la femme, tu n'es pas accepté au Québec. Simple de même. Regarde comment est-ce qu'on fait pour l'affaire du le viol, là, la culture du viol, cette histoire-là. Là. Quand tu rentres dans les médias, ça fait ce cru. Là. Et prendre un risque, Daniel, versus développer sa certitude, c'est la même chose. Là. Ouais, moi j'ai développé ma certitude en plongeant dans l'univers de ça ne parle que. Puis il y a des. C'est du. La certitude, il y a une erreur potentielle. Mais à un moment donné, tu finis que. Tu sais, c'est comme jouer au billard. Au début, tu joues mal, mais à un moment donné, tu joues bien. Mais il faut t'étirer peut-être 2000 boules avant de commencer à être. Mais t'es pas sûr en commençant, là. T'es sûr après avoir vécu certaines expériences. Ouais, il y a de l'expérience. Ah, c'est sûr. Dans n'importe quoi. C'est une conséquence, la certitude, de prendre le risque, en fait. T'as jamais pris de risque dans ta vie. Quand tu conduis une auto, t'es à risque tout le temps. Mm-hmm. Il arrive à un moment donné que tu conduis assez bien pour te dire, ben, je peux aller à cette vitesse-là. Mm-hmm. Ça te demande dans un risque. D'avoir une certaine certitude sur d'autres paramètres. Avant de te faire mes chèques, tu es sûr que tu as du lait. Tu sais, okay. Si tu prends du coke, tu dis, je me fais mes chèques. Mais quand l'expérience est négative, qu'est-ce qui fait que ça nous bloque? Ça nous bloque non, mais c'est une expérience. C'est une expérience. Ben, c'est sûr que tu te fais arracher un bras en prenant une expérience. Tu en as une moins pour la prochaine? Oui. C'est souvent parce que les gens... On fait l'expérience que... Les gens, ça compte pas. Moi, il y a des gars qui étaient capables de faire des affaires sur un bicycle à gaz, puis je n'étais pas capable. Fait que pour moi, les autres, ça comptait pas. Mais gars, je fais ça de même. Tu le fais de même. Mais ça ne veut pas dire que moi, je vais le faire de même. J'ai peut-être pas la même machine, j'ai pas le même poids. J'ai ici, j'ai ça. Là, donc, tu as fait ça de même. C'est beau. Je suis sûr que tu es capable. Mais de dire que moi, je suis sûr d'être capable, là, non. La capacité de ne pas se faire influencer, ça vient de quand tu développes ta certitude? Ben, ça vient de tes expériences. Ouais. Moi, je suis de moins en moins influençable, mais je peux être influençable parce qu'il y a des choses que je ne connais pas. Okay. Mais si je ne vis pas d'expérience, je suis influençable, c'est sûr, parce que quelqu'un a vécu une expérience que je n'ai pas vécue. Et puis si ça me tente de vivre l'expérience, ben, je suis obligé d'avoir un mentor, je suis obligé d'avoir quelqu'un qui sait. T'sais, avant de faire des balles, avant de... Juste à déprimer une balle avec un boulet dessus, là. T'as vu les gars quand je les... Non, mais t'as vu les gars quand je les ai dit, j'en ai débattu 10-12. C'était tous des pros, ça, là. Ils ont dit, Christ, t'as une grenade dans les mains, Ben, là. Puis, papa. Ben, j'ai pris un risque. Fait que pour moi, c'est faisable. Fait que quand tu m'es arrivé avec une balle chargée, avec un boulet dessus, t'es quitte, ben, je savais quoi faire avec. Goulet m'avait dit, si tu mets de l'huile sur le primer, ben, la balle, au bout de 2-3 jours, elle va être imbibée, puis papa. Puis un autre m'avait dit telle affaire, puis un autre. Fait que là, j'ai ramassé de l'information un peu tout le monde. Puis j'ai pris un risque. Hey, tu t'imagines, avoir le contact, c'est dire n'importe quoi. Puis vous avez peur. Prendre des risques. Rien de m'en dire. C'est une pratique. Une petite pratique à prendre des risques. Tu sais, quand t'es devant un menu, là, tu prends le risque que tel plat peut être meilleur que l'autre. C'est un risque. C'est un risque. Là, tu as plein d'affaires. Qu'est-ce que je vais prendre? Il y a du monde qui a tellement peur de prendre des risques. Ils vont dire, ils regardent le menu, là, puis ils demandent à l'hôtesse, c'est quoi la spécialité de la maison? C'est ça. C'est pas parce qu'il y a des prédispositions astrologiques qui sont plus portées à prendre des risques que d'autres. Hein. Ça, je trouve ça brillant. Là, tu n'as vraiment pas pris de risques. Ça, c'est bon. C'est bon. Tu me donnes-tu la permission de l'utiliser dans mes prochaines activités? J'en ai pas beaucoup, Marc, là, mais... Ouais, c'est bon, ça. C'est le destin. Ça, ça libère tout le monde de prendre des risques. C'est pas dans le destin. Puis, Claude, t'as pas besoin de t'enregistrer. Non, mais ça vient au fait que si t'es dû pour prendre un risque, tu vois, tu vivre le dilemme. Le risque, dans le fond, c'est un dilemme qui t'est proposé. C'est juste ça, un risque. Ben, je pense qu'à chaque fois que tu doutes, t'as un risque. T'as un risque de te tromper. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, dans le fond, j'ai la certitude parce que j'ai éliminé beaucoup de doutes dans la vie. J'ai fait beaucoup de mauvais choix, puis là, en finale, ben, faut pas faire ça. Faut faire ça parce qu'il faut pas faire ça. C'est comme le gars à la bourse qui a dit, si tu payes pas à la bourse, t'es sûr que tu vas faire de l'argent. J'ai trouvé tellement brillant, ce gars-là. Travaillez pas sur des systèmes pour faire de l'argent. Travaillez sur des systèmes qui vous font perdre le moins possible. Et là, on commence. Vous avez toujours le risque en fonction de ce que comment vous regardez la vie. Comme le gars dans l'annonce de Midas. J'ai vu le danger dans les yeux. Donc, ce que je vois, c'est ça le danger. Ce que je vois pas, il n'y a pas de danger. Avec votre lecture de la vie, c'est tous les risques que vous prenez. Tu peux pas avoir un message plus clair. Comment tu interprètes ce que tu vois, ce que tu vis, c'est tout là qui est le thrill, le « wow ». Question de perception. Vous prenez les risques de vos perceptions. Un système de valeur ou un autre système de valeur, ça se vaut, ça dépend. Tu adoptes celui qui convient le mieux à ce que tu veux vivre ou ce que tu peux vivre, parce qu'en réalité, c'est pas vraiment ce que tu veux vivre, mais c'est ce que tu peux vivre. Moi, j'aime mieux travailler avec quelqu'un qui prend des décisions, même s'il n'est pas winner tout le temps, que quelqu'un qui est winner une fois de temps en temps, mais qui prend une décision par 2 ans. Je pourrais vivre avec ça, moi. Ben, j'ai pas confiance dans quelqu'un qui prend pas de décision. J'ai confiance dans les gens qui prennent des décisions. Même s'ils apprennent beaucoup. De toute façon, si on sait que c'est pas nous autres qui parlons, là, fait qu'ils ont ça, c'est de si. Ça aller. Si! Il va falloir prendre les risques un jour, hein, de dire c'est pas nous autres qui pensent. Ah, moi, Charlie, si! Si! Fait des essais, il s'agit. En fait, non, c'est pas si urgent que ça. Vous allez passer à travers les murs avant de parler, vous autres, c'est clair. Moi, j'ai voulu commencer par le facile, mais vous autres, attendez, c'est pas vraiment difficile. OK. C'est pas moi qui... C'est moi qui ai été le problème, c'est que j'ai pas commencé par les bonnes affaires. En tout cas. D'abord, l'expérience de Bernard et puis de ton expérience. C'est comme ce que je vois, c'est qu'à travers les épreuves, que tu. Et c'est à travers les épreuves que tu es capable réellement d'entrer en contact avec ton esprit ou ton double ou ton ajusteur de pensée. C'est juste là que ça se passe. Ouais, ça s'est passé de même, hein? C'est ça que j'avais peur. C'est seulement juste là que tu es capable réellement d'avoir une mesure de toi-même réelle. Ouais. C'est pas autre que là. C'est quand tu souffres. Que t'es tout allumé ou t'es tout déphasé, que t'es capable juste de prendre une mesure. Ouais. Ça a l'air de ça. Ouais, ça a l'air de ça. Le résumé de l'ensemble, de l'œuvre, là. OK. Ça a l'air de ça qui se passe. C'est juste là que ça se passe. Fait que c'est pour ça que les gens prennent pas de risque. Ouais, c'est comme si on reste dans la marge, quoi. Rester dans la marge, là. Vous êtes à soif, puis moi, ouais, ben, c'est ça. Regardez-moi pathogène. Okay. Le fait de le savoir, c'est pas dit que ça va t'aider, mais c'est une information que la vie t'a présentée. Okay. Ça se passait de cette façon-là. Je me souviens, Bernard, il m'avait dit qu'il était en San Francisco puis Los Angeles, qu'il y avait quelque chose comme 400 km, puis il se rend compte de où ils se rendent compte qu'il est obligé de retourner à Los Angeles pour aller chercher quelque chose, puis il est obligé d'assumer le fait que faut qu'il prenne son énergie pour retourner pour quelque chose qu'il aurait pu faire, mais qu'il n'a pas fait. Fait que c'est comme si c'est le fait de faire une erreur qui fait en sorte que tu apprends ta leçon, puis tu l'oublieras jamais parce que ça va être inscrit dans tes gènes psychiques, si tu veux. Ouais. C'est comme un peu ça, l'histoire de la... Ça change, la chose, ton, ça, ça change ton ADN. Oui, c'est ça. Mais je peux pas croire que ça, c'est ce qui t'a le plus marqué. Ben, c'est comme un peu... ça, c'est comme une notion inévitable d'un être qui veut intégrer, mettons, son énergie. Okay. Pour en bénéficier un jour. C'est comme si quand tu oublies quelque chose, puis que ça te porte préjudice, c'est la seule façon que tu vas enregistrer ta leçon. C'est pas en apprenant une philosophie quelconque. Que c'est la seule façon. Toi, tu me dis la même chose, c'est que si on n'est pas capable d'avancer, de prendre un risque, c'est que tu n'avanceras pas, c'est comme une loi indéfectible. C'est ça que je reçois. Oui, c'est ça que je sens. Tu sais, on vient d'expliquer là, que être conscient, là, c'est passer à travers des épreuves. Mm-hmm. N'y a-t-il bien qui ont le goût de faire ça? Ouais. Pas courir après l'épreuve, mais accepter le processus. Accepter? Ouais. Moi, je suis dans la boîte le matin, là, puis j'accepte, puis je bouge pas là-de-là. Accepte que tu es confronté à quelque chose, puis là, tu acceptes d'agir dessus. Hein. J'accepte pas. Tu acceptes d'agir dessus. J'accepte pas. Pas en tout. J'agis dessus. Mais j'accepte rien, moi, là. Tu parlais d'être neutre. Dans quoi? Non, tu me viens de me donner l'exemple. Oui, mais je sais que tu sais très bien que je ne ferai jamais ça. C'est. Que je m'empoignais plus gros que moi. D'être neutre, pour toi, ça ne correspond pas à. Ben, j'ai commencé à être neutre quand j'ai décidé de reculer dans mon chemin. Imagine-toi, là, 200 verges à reculer, là, puis des fossés à chaque bord, là. Puis avec la vue que j'ai, là, toi, tu n'as pas d'idée de ce que c'est, là. Ça s'appelle être le faux cul en crisse pour le faire. Parce qu'à soir, j'ai pas le goût pas tout de grimper le char jusqu'en haut. Parce que demain, s'il annonce 4 ou 5, moi, je vais encore dans la boîte. Tant pas, là. Puis demain, là, quand je vais me lever, là, je vais encore avoir reculé dans le chemin, là. Pour aller manger seulement. T'sais? Donc, c'est une ride. Puis dimanche, je suis encore reculé. Il va faire trois fois que je recule dans le chemin. Je dis que je dois soit que ça sèche en haut ou que ça gèle. Quand ça gèle, je ne cale pas. Bien évident, c'est gelé. Ben, j'ai trouvé la solution, mais j'ai quand même le problème sur le visage. Tu appelles ça accepter, ça? Non, excuse-moi, je ne suis pas le genre. Non, mais je veux dire, tu fais face. Je combats! Je fais la guerre. Moi, j'appelle ça faire souffrir la souffrance. Mais c'est moi le gogo, là, qui fait souffrir la souffrance. Combat. Pas un autre qui me dit de quoi faire, puis quoi vivre, puis il ne vit pas à ma place. C'est moi qui le vis. Mais c'est plaignez-vous pas, puis mettez-vous face au combat. Moi, ce que où Bernard m'a le plus impressionné, c'est pas dans l'affaire de ce pas tout qui pense. Il veut rien dire, ça. Mais c'est dans le qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir vivre ça, là, pas pour lui qui pense. Il y a des bouts là, que s'il fallait qu'il pense là-dedans, lui, là, s'il ne passait pas. Hein. Pas lui qui pense, c'est lui qui dépense. Hein. Fait que, non. Moi, je vis la même séquence avec des formes différentes, là, mais la game est là pareil. Là. T'es un être humain comme tout le monde. Mm-hmm. C'est juste qu'il était porteur d'un message qu'il a vécu. Il a vécu son message. Moi, je vous dis la même chose. Vivez votre parole, là. Sortez pas de philosophie qui ne sont pas vécues. Vous êtes ce que vous faites, vous n'êtes pas ce que vous dites. Là. Mm-hmm. Pensez pas avoir du crédit dans la vie avec les autres, si à parler. Ne prenez pas votre temps que ça. Mm-hmm. Faites quelque chose. Mm-hmm. Savoir, c'est. Il y a une responsabilité dans le savoir. Hey. C'est toujours qu'on n'est pas responsable. Oui, mais il faut le savoir. Essaye donc de ne pas être responsable. Essaye pour le fun. Ouais. C'est dur. Essaye. Mais qu'est-ce que c'est ce besoin de sentir responsable de quelque chose? Ben, on va avoir une valeur pour les autres. C'est ça. Tu veux pas de valeur? Tu n'aimerais pas ça avoir de la valeur? Ben, hein? Parce que tu mélanges les deux, moins responsable puis reconnaissance. Là. Ben, c'est parce que quand tu es responsable, qu'est-ce que tu penses que ça donne en bout de ligne? Reconnaissance. Tu sais, sois conséquente avec ce que tu penses, on va dire. Tu veux être responsable pour avoir de la reconnaissance? T'es-tu content d'avoir de la reconnaissance de ton gars? T'es responsable, hein? Très. Oui, c'est ça. Et là, il était reconnaissant. Responsable, Daniel, de ce que ça t'empêche de voir les choses comme ils sont, dans le sens que si tu veux être responsable de quelqu'un qui ne l'est pas envers lui-même, tu vois plus que la personne ne l'est pas. Responsable elle-même, envers elle-même, dans ce sens-là. T'sais, parce que ça peut nous arriver des fois, tu peux être responsable envers quelqu'un, puis la personne n'est pas responsable elle-même, envers elle-même. Ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire, là? C'est parce que si tu décides d'être responsable avec un enfant, il ne peut pas être responsable de toi, là. Il est responsable dans la mesure de son propre expérimentation. Enfant, oui. Ben oui, mais c'est ça la question. Mettons une personne, là, tu veux être responsable par rapport à une personne. Oui, mais c'est le mental d'enfant. C'est ça. C'est juste toi qui vas être responsable, c'est pas l'autre. C'est ça que je te dis. Ben oui, puis je t'ai donné la réponse. Tu peux pas t'attendre que l'autre soit responsable de ta personne. S'il n'y a pas le gabarit. Non, responsable d'elle-même. Oui, mais d'elle-même, ça vient à l'expérience. À quel âge un enfant commence à être responsable d'aller à la toilette, mettons? Pas à naissance, c'est sûr. Il va chier dans sa couche jusqu'à temps qu'il comprenne qu'il faut qu'il aille aux toilettes. Il est responsable dans la mesure de ses capacités. Mais tu sais, les gens, ils sont rendus à 30 ans et ils ne sont pas capables d'être responsables. Quoi? Parce que. Ils n'ont pas vécu une exploration d'eux-mêmes suffisante pour être responsable. On ne peut pas être responsable d'une personne comme ça. Ben moi, j'ai été responsable de beaucoup de gens qui n'étaient pas capables d'être responsables d'eux-mêmes. Des centaines. Vous autres, vous n'êtes pas responsables de ne pas prendre de risques. Vous n'êtes pas capables. C'est moi qui est responsable de vous autres. Si je vous emmène sur le terrain du contact, là, puis que vous n'êtes pas capable de contenir votre contact, c'est moi qui est responsable des conséquences. Responsable de ce que tu as initié dans. Ben, je deviens responsable de ce que tu n'es pas capable de savoir. Puis quand ça commence à parler un peu sur le contact, puis tu n'es pas capable de le tenir, tu vas revenir dans ta psychologie normale. Pourquoi tu penses que j'arrête de faire parler les gens sur le contact? C'est parce qu'ils ne sont pas capables de le tenir. Je l'ai fait parler, elle, un peu, sur, même pas le contact, c'était une entité. Puis elle a été gelée, je sais pas, elle m'a rappelé le lendemain, elle était toute sonnée. Ben, je dis, elle est pas prête, là. Ça va trop vite pour sa tête. Je veux pas la faire venir folle, là, il est au bonne limite. Ben, c'est moi qui est responsable. Je fasse attention. Oui. Ah, nous autres. Okay. Il y a des gens avec qui je m'asseye même pas. J'ai rien à faire avec ça. Ils sont même pas capables de prendre le risque. Oui. Un père prend la responsabilité d'un enfant qui n'est pas responsable de lui. Mais quand vous dites de ne pas être responsable, c'est de dire par rapport à. À quoi? Répondre, c'est contenir. Ouais. Es-tu d'accord qu'un enfant n'est pas capable de contenir un auto et un truck? Il faut qu'il y ait un minimum d'âge puis, pour être capable de rejoindre les pédales. Mm-hmm. C'est juste pour te dire que faites attention quand vous parlez, regardez ce que vous êtes capable de faire. Grande. Le culte, là, il faut que ça demande d'être grande. La responsabilité d'agir sur la situation, ça ne revient que ça, Daniel. Ça revient tout le temps, ça. C'est plus si responsable que la capacité que tu as de faire. Ouais. Tu sais, moi, je me sens jamais responsable de ce que je peux pas faire. Parce que tu dis, Daniel, c'est à nous-mêmes évaluer notre responsabilité dans ce qu'on vit. Ben, votre capacité de contenir. Tu es aussi responsable que ce que tu contiens. Responsable et honnête, ça vient avec ça? Non, pas nécessairement. On ne parle pas d'honnête envers, comme tu disais, exemple. Essaye de comprendre le mot responsable avec le mot contenance. Ce que tu contiens te permet d'être responsable. Mais être honnête, tu peux être très honnête sur une multitude de choses parce que tu informes bien ton milieu. Tu es responsable de ce que tu contiens. Tu ne contiens pas, tu ne peux pas être responsable. Tu ne contiens pas. Mais tu peux être honnête. Dire je ne suis pas capable, c'est être honnête. La responsabilité, tu es libre de la prendre ou pas en prendre. Oui. Mais tu ne peux pas être plus responsable que tes capacités. J'espère que tu comprends. Oui, je comprends. Bon, mais tes capacités, c'est ça ta contenance. Mm.